Magali Veil. Vous m'écoutez sur Maxi France, la radio qui chante en français. Et si tu crois que j'ai eu peur, c'est faux. Je donne des vacances à mon cœur, un peu de repos. Et si tu crois que j'ai eu tort, attends. Respire un peu le souffle d'or qui me pousse en avant. Et fais comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti un grand voile et j'ai glissé sous le vent. C'est comme si je quittais la terre. J'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi un instant. Sous le vent, et si tu crois que c'est fini, jamais. C'est juste une pause, un répit, près des dangers. Sans prétention, on a repris ce titre et c'est vrai qu'il est plutôt sympa. Magali Vaé avec Sous le vent, elle était en duo avec Tiad. Oui, Magali Vaé qui a été l'invité de la France aux chansons. Oui, vous vous en rappelez, j'espère, parce que la France aux chansons, ça sera l'émission qui va revenir dès septembre. Dès le premier dimanche, si tout va bien, ça sera le 5 septembre. Voilà, donc je sais que vous les attendez de pied ferme ou d'oreille ferme. Nous aussi, donc voilà, nous retrouverons les studios dès le mois de septembre. Et d'ailleurs, peut-être l'équipe est à l'écoute, je ne sais pas. Dans tous les cas, je leur passe des bonnes vacances. Hein, avec surtout, voilà, donc. En plus, quand on regarde les dates, il reste grosso modo 15 jours avant la reprise. C'est vrai, il ne faut pas y penser, on n'y pense pas. D'ailleurs, je vais parler de Magali Vaé, qui ce soir sera. Ce soir et demain, elle sera au Woody, à Marseillan 75, avenue des Campings à Marseillan. Il y a une grosse soirée. Donc ce soir et demain soir, Magali Vaé avec Tiad, et voilà, vont certainement vous régaler à Marseillan. Donc ça sera, c'est à retrouver. Voilà, si vous ne savez pas quoi faire, eh bien vous allez faire un petit tour du côté de Marseillan. Il y a possibilité de rencontrer Magali Vaé et de Tiad. À suivre, pour aller jusqu'à 19h, on aura Cœur de Pirate, Gérard Blanc, les Apache ou encore les Frangines qui arrivent tout de suite avec Accroché à ma terre. Oui, bon, on est tous accrochés à ma terre. Un autre thème, oui. On y pense. Oui, oui. Fin d'après-midi, très bon début de soirée avec nous sur Maxi France. N'oubliez pas, à 19h, à 20h, pardon, ça sera Maxi Live spécial Patrick Bruel. J'ai passé tant de fois tête de la première fois.